Le comité préparatoire du Parti communiste uni de Syrie pour féliciter le 7e congrès du Parti du travail de Corée est constitué le 27 avril. Il a décidé de présenter largement les nouvelles du 7e congrès du Parti du travail de Corée dans son organe Hanul et d'organiser diverses cérémonies conformément à la réalité.